Trois poèmes de Saint-Amand. La solitude. Oh, que j'aime la solitude! Que ces lieux sacrés à la nuit, éloignés du monde et du bruit, plaisent à mon inquiétude. Mon Dieu! Que mes yeux sont contents de voir ces bois, qui se trouvèrent à la nativité du temps et que tous les siècles révèrent, être encore aussi beaux et verts qu'au premier jour de l'univers. Un gai zéphyr les caresse, d'un mouvement doux et flatteur. Rien que leur extrême hauteur ne fit remarquer leur vieillesse. Jadis, Pan et ses demi-dieux, hiver cherchaient du refuge, quand Jupiter ouvrit les cieux pour nous envoyer les déluges, et se sauvant sur leurs rameaux, à peine virent-ils les eaux. Que sur cette épine fleurie, dont le printemps est amoureux, Philomèle, au chant langoureux, entretient bien ma rêverie. Que je prends de plaisir à voir ces monts pendant en précipice, qui pour les coups du désespoir sont aux malheureux si propices, quand la cruauté de leur sort les force à rechercher la mort. Que je trouve doux le ravage de ces fiers torrents vagabonds, qui se précipitent par bonds dans ce vallon vert et sauvage. Puis, glissant sous les arbrisseaux, ainsi que des serpents sur l'herbe, se changent en plaisants ruisseaux, où quelques naïades superbes règnent, comme en son lit natal, dessus un trône de cristal. Que j'aime à voir la décadence de ces vieux châteaux ruinés, contre qui les embutinés ont déployé leur insolence. Les sorciers y font leur sabbat, les démons follets s'y retirent, qui d'un malicieux ébat trompent nos sens et nos martyrs. Là se nichent en mille trous les couleuvres et les hiboux. L'orfraie, avec ses cris funèbres, mortels augures des destins, fait rire et danser les lutins dans ces lieux remplis de ténèbres. Sous un chevron de bois maudit, y branle le squelette horrible d'un pauvre amant qui se pendit pour une bergère insensible qui, d'un seul regard de pitié, ne daigna voir son amitié.